listening to Cartel Records. Un soldat s'est fait tirer dessus, mais il n'était pas armé. L'ennemi peut pas s'en tirer. S'écrie à mon arme. La maman est alarmée. Les soldats sont armés. Les attaquants veulent tirer. J'ai pas dit pénalty. J'pense au frère déjà parti. Ok, j'suis de la partie. Un des trois fait partie. Les parents m'ont compris. La rue s'est pas trompée. Ok, j'suis de la partie. Un, deux, trois feux partent. Mes criminels m'ont compris. Il suffira d'un mot. La rue t'a fait chaler. On vit et on meurt pour la monnaie. On vit et on meurt pour la monnaie. On vit et on meurt pour la monnaie. On vit, on meurt pour la monnaie. Cartel au mic, homicide, pas venu pour plaisanter. 9394, hey, c'est la rue qui nous a présenté. Cartel au mic, homicide, pas venu pour plaisanter. Représenter, représenter pour la monnaie. Les types sont paros. Ils veulent les pontaros. Taille dépréparée. Dans ma tête c'est le chaos. Frappe sur le pao. Les types sont paros. Ils veulent les pontaros. Taille dépréparée. Dans ma tête c'est le chaos. Frappe sur le pao. Le camo c'est carré. La plaine est carrée. Mes paros sont parés, la rue m'a préparé, j'ai même pas démarré. La rue nous a habillés, la rue nous a abîmés. La rue nous a compris, la rue nous a aimés, la rue nous a trahis. On vit et on meurt pour la monnaie. On vit et on meurt pour la monnaie. On vit et on meurt pour la monnaie. On vit, on meurt pour la monnaie. Cartel au mic, homicide, pas venu pour plaisanter. 9394, hey, c'est la rue qui nous a présenté. Cartel au mic, homicide, pas venu pour plaisanter. Représenter, représenter, on meurt pour la monnaie. Cartel au mic, homicide, pas venu pour plaisanter. 9394, c'est la rue qui nous a présenter. Cartel au mic, homicide, pas venu pour plaisanter. On vit, on meurt pour la monnaie. On meurt pour la monnaie. On vit, on meurt pour la monnaie. On vit, on meurt pour la monnaie. On vit, on meurt pour la monnaie. On vit, on meurt pour la monnaie. You're listening to Cartel Records.